qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En ces débuts de 70e anniversaire de la Libération, Franck Ferrand a choisi de nous parler de la Résistance aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Un de nos plus talentueux et scrupuleux auteurs, Gilles Perrault, vient de faire paraître le dictionnaire amoureux de la Résistance et j'avais envie d'en faire profiter nos auditeurs. Gilles Perrault nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio et à titre de préambule à l'évocation de la Résistance sous toutes sortes d'aspects, j'aimerais évoquer la figure de Georges Guingouin. Il y a deux semaines, nous célébrions ici le 70e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane en présence d'un des deux derniers survivants. Eh bien, cet après-midi, ce sont les maquis de cette région que j'aimerais faire revivre. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stevens sur les origines du nom de famille Martin. J'en connais plus d'un et plus d'une qui vont tendre l'oreille. Pour le moment, direction le Limousin où nous attendent les hommes du maquis. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des réseaux, des réunions clandestines, des noms d'emprunt, des messages codés, des largages nocturnes d'hommes ou de matériel, des cadres à vélo pleins de documents roulés, des journaux interdits, et le système D, et les sabotages, et les coups de main, et représailles, et embuscades, et luttes d'influence, la hantise de la torture, et les capsules de cyanure, les champs pleins d'espoir, les luttes intestines, l'amour, la mort, la vie. Il y a dans la Résistance française la matière inépuisable d'une infinité de romans, de drames, de films évidemment, de rêves et de cauchemars. Quelque chose d'héroïque s'attache à tout ça, d'héroïque et de brutal pour reprendre les mots du poète. Et puis, quelle inventivité, quelle audace partout manifestée. La Résistance fait feu de tout bois, y compris de celui que lui fournit l'ennemi, écrit Gilles Perrault dans son dictionnaire amoureux. Ainsi, la création par les Allemands en février 43 du STO, le service du travail obligatoire, va-t-elle provoquer une floraison de réfractaires qui viennent spontanément grossir les rangs de la Résistance? Et le régime de Vichy, qui s'est révélé impuissant à protéger la population contre ces ponctions aveugles, va évidemment s'en trouver d'autant plus disqualifié. En quelques mois, écrit Perrault, les maquis se multiplièrent en France. Leur apparition change tout. Pour la population rurale, la Résistance cesse d'être une entité lointaine et abstraite. Elle s'incarne dans ces jeunes gens qu'il faut aider, conseiller, guider, supporter au double sens du terme, car si les combats exigent un soutien sans faille, les jeunes combattants peuvent parfois agacer. Les citadins eux-mêmes ne tardent pas à être touchés par le mythe maquisard avec ses légendes et ses réalités. Le maquis, ce Far West de la Résistance, s'émeut Gilles Perrault qui ajoute, comme l'écrit excellemment l'historien François Marco, « Romantique et mystérieux, le maquis, c'est la liberté en pleine occupation ». Dans l'imaginaire collectif des Français, le maquis est devenu plus ou moins synonyme de résistance, alors qu'en vérité, il n'en est qu'un des modes d'expression, ce que nous verrons tout à l'heure. Évidemment, c'est très bien expliqué dans le dictionnaire amoureux. Mais c'est cette image-là qu'on a d'abord retenue, c'est celle qui à coup sûr s'imposera pour les siècles à venir. Le jeune réfractaire au STO qui s'enfonce dans les fourrés épais pour s'en aller grossir les rangs de la résistance armée. Voilà l'image qui prévaut. Les réfractaires sont les éléments essentiels des maquis, écrit Christophe Thomas dans un vieil article que j'ai ressorti de derrière les fagots. Pas seulement des ouvriers comme ceux de Limoges qu'on retrouve dans les bois de Corrèze, ou ceux armés de fusils dérobés à l'armée d'armistice et qui peuplent la Maurienne, mais aussi des étudiants et de jeunes paysans dont la présence rend bien des services en raison de leur relation avec la population locale. C'est que la classe 22 est atteinte dans sa totalité. Peu à peu, au cours de l'année 1943, s'y ajoutent des prisonniers de guerre évadés, des juifs fuyant la persécution, des Alsaciens lorrains contraints de devenir soldats dans la Wehrmacht, des Espagnols républicains passés en France à la fin de la guerre civile, et plus tard encore, les rejoindront des éléments des chantiers de jeunesse, des déserteurs de l'armée allemande en 1944, tous s'y côtoient d'appartenances professionnelles, politiques et sociales différentes. Jusqu'à son invasion par l'occupant, ajoute Christophe Thomas, on fuit plutôt en zone sud, on y trouve des centaines de maquis de toute taille, particulièrement en montagne, dans les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes, le Vivarais, et la présence allemande y est moins forte. Mais on en relève également de part et d'autre de la ligne de démarcation, en Bourgogne par exemple, et plus tardivement en zone nord, dans les Ardennes, les Vosges, l'Aube, la Sologne et même la région parisienne. Tous ces jeunes fuyards ne sont pas pour autant des résistants convaincus. Progressivement, ils rencontrent ceux qui se battent, qui les encadrent et les prennent en main. La plupart se transforment alors en maquisards résolus à participer à l'action clandestine, ce qui contraint les mouvements clandestins à organiser des structures particulières adaptées à cette nouvelle forme de lutte. L'un des plus importants maquis de France, c'est celui qui va s'épanouir dans la campagne limousine, dans la région appelée plus tard la R5, sous la houlette notamment d'un militant communiste instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, dans le sud de la Haute-Vienne, aux confins de la Forêze, Georges Guingouin. Il a pris le maquis très tôt, début 1941. Ses anciens camarades du parti vont le surnommer le fou qui vit dans les bois, mais pour l'histoire, il deviendra le premier maquis de France. Voilà ce que nous dit Gilles Perrault dans son dictionnaire amoureux de la résistance. Il parle de Georges Guingouin, évidemment. Il a le génie de la guérilla. C'est forcément inné, puisque personne ne lui en a appris les règles. Toujours jouer sur l'effet de surprise, frapper ici quand on l'attend là. S'évanouir dans la nature après l'action, refuser systématiquement le combat face à un adversaire supérieur en nombre. Il organise ses troupes en recherchant le maximum de souplesse, un noyau central de quelques centaines de combattants formant ce qu'il appelle la première brigade de marche du Limousin, autour des équipes volantes rapidement mobilisables pour des opérations ponctuelles. Il multiplie les coups de main et effectivement, on va le voir attaquer le viaduc de Bussy-Varache, s'attaquer aussi à une usine de régénération du caoutchouc à Limoges. On le retrouve aussi contre les câbles téléphoniques de la base sous-marine allemande de Bordeaux, etc. Avec toujours une efficacité qui ravit les alliés. Les Anglais vont lui parachuter pas mal d'armes. Tout ça exaspère aussi et d'abord les Allemands, bien entendu, qui vont bientôt surnommer ce maquis Limougeot, la petite Russie. Et à cela, ni la police de Vichy, ni la milice ne pourront rien. Guingouin est un chef de premier ordre. Il signe d'ailleurs les affiches clandestines qu'il fait apposer partout dans les villages du coin. Le préfet du maquis, ce qui fait pendant aux ordres sinistres de représailles signés d'un autre préfet, évidemment. En avril 44, à la veille du débarquement, quand les Allemands lui opposent une division entière dirigée par Bremer, il a l'intelligence de ne pas l'affronter directement. Il préfère disperser ses forces. Ça ne veut pas dire que le Tito du Limousin, comme on l'appellera, renonce au combat, loin de là. Il va d'ailleurs le prouver avec la formidable victoire du Mont Gargan les 17 et 18 juillet 1944. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Léo Ferré sur Europe 1, un extrait de son titre L'Affiche Rouge. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la résistance et aux maquis qui l'ont abrité. On parlera évidemment de l'Affiche Rouge et de tout autre, de toutes sortes de mouvements tout à l'heure avec Gilles Perrault, bien sûr. À ce stade, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'au moment de la libération du territoire dont on célèbre en ce moment le 70e anniversaire, il y a plusieurs résistances qui, si elles ne s'affrontent pas tout à fait, n'en sont pas moins en concurrence pour la prise du pouvoir qui immanquablement va succéder à cette libération. Certains résistants sont directement mandatés par les divers organismes de la France libre. Ils viennent essentiellement de Londres ou d'Alger. Ils émanent du général de Gaulle. Ils obéissent à Jacques Soustelle, le patron de la DGSS, et à André de Wavrin, qu'on appelle le colonel Passy, qui est le patron du BCRA. Ensuite, vous avez l'état-major national des FFI qui sont, eux, sous les ordres de Villon. Ces FFI amalgament plusieurs mouvements de résistance eux-mêmes, essentiellement l'armée secrète, l'AS, bien entendu, qui était peut-être la moins politisée, on va y revenir tout à l'heure. Les francs-tireurs et partisans, bien sûr, les FTP, sous la houlette du communiste Charles Tillon. Et puis l'organisation de résistance de l'armée. Ça, ce sont des gens qui sont passés de l'ancienne armée démantelée, évidemment, à la résistance. Pour la région qui nous intéresse, hein, cette fameuse R5, ces maquis du Limousin, si vous voulez, inutile de vous dire que les FTP y prédominent. Ils sont conduits par des chefs qui, Guingouin tout le premier, préparent ni plus ni moins la révolution. C'est leur but, c'est leur horizon. Depuis l'été 43, les FTP du Limousin contrôlent le ravitaillement, prélèvent même certaines taxes, on va en parler tout à l'heure. Ils instaurent des embargos sur les livraisons de blé à l'Allemagne. Ils affichent des décrets, je vous l'ai dit, sur les murs des villages, les fameux décrets signés du préfet du Maquis. Vous imaginez dans ces conditions la position délicate de ceux qui, au nom de la France libre, viennent pour essayer de prendre le contrôle de tout ça. Je pense à Druy, les Cusins notamment, qui ne sont pas chez eux. Ils doivent faire preuve dans toute cette affaire de beaucoup d'adresse et de beaucoup de diplomatie. On suspecte Tillon d'être à l'origine de ce mot d'ordre qui circule dans ce maquis largement acquis aux communistes. Attendre que Limoges et Toulouse soient pris pour proclamer une république des soviets du sud de la France. On est dans la rumeur, mais c'est une rumeur qui se répand, bien entendu, partout. Or, à Limoges, les Allemands se sont rendus dans la nuit du 21 au 22 août. Et depuis lors, notre Georges Guingouin y exerce un pouvoir très étendu, qui peut aller très loin. L'auteur d'une synthèse sur les maquis du Sud-Ouest, Marc Edouard, a écrit, je cite, « Guingouin a hérité de son institutrice de mère le goût des canulars. Sans doute pour se détendre, il lui arrive de se déguiser en contrôleur général de la police de Vichy et d'inspecter en cette qualité usurpée des cantonnements de miliciens ou de gardes mobiles. Il goûte la soupe, il critique la tenue et disparaît après avoir promis des sanctions. » Où elles arrivent bientôt, sous une forme imprévue, celle d'une attaque des maquisards, parfaitement renseignée par leur chef sur la disposition des lieux. Évidemment, j'arrive assez vite, assez tôt, sur cette période finale de la résistance. Mais encore une fois, rappelez-vous que notre homme est entré en résistance très tôt. Dès 41, 42, il était là, très actif. Il est de ceux qui, au moment des grands changements de 1943, a tout organisé. Et tout ça avec un succès, avec une efficacité, encore une fois, redoutable. Ce qui fait qu'évidemment, il est mieux placé que quiconque au milieu de l'année 1944, lorsqu'on apprend le débarquement de Normandie et lorsque les choses sont en train véritablement de tourner. Alors, la région, dans cette région de Limoges, il faut vous dire que, et on l'a compris l'autre jour à propos de l'affaire de Tulle et de Radour-sur-Glane, l'affrontement entre résistants et collaborationnistes a atteint des sommets de violence et de haine. On va parler aussi de règlements de compte à l'intérieur de la résistance, hein, des règlements de compte intrinsèques à la résistance, entre FTP et AS, évidemment, armée secrète, mais aussi entre groupes adverses au sein même des FTP. Tout ça est d'une complexité. Il faut tenir compte, bien entendu, du caractère très personnel d'un certain nombre de rivalités. Il y a des luttes d'ego au sein de la résistance. On va y venir tout à l'heure. Ça tient à la nature même de ces mouvements qui ont mis en avant, de façon spontanée, des caractères qui n'étaient pas de ceux qui, évidemment, plient facilement. Alors, Guingouin va remporter une première victoire sur les troupes allemandes de Blaskowitz le 14 août 44 à ce moment-là. Et le comité qui dirige les FFI à l'échelle nationale, le COMAC, lui ordonne de prendre Limoges, qui est aux mains de 1400 Allemands de la Wehrmacht, soutenus par autant de miliciens. Seulement, Guingouin ne veut pas. Il a été échaudé par tout ce qui s'est passé, notamment par les pendaisons de Tulle, souvenez-vous. Il ne veut pas être à l'origine d'un nouveau bain de sang et il va préférer procéder différemment. Il commence par rallier les détachements de l'AS, de l'armée secrète et de l'ORA. Et quand il est devenu le patron incontesté de toutes les FFI du coin, alors là, il va négocier la reddition des gardes mobiles qui vont sortir de Limoges pour, en tout cas dans l'immense majorité d'entre eux, se mettre sous ses ordres. De sorte qu'à partir du 20 août, il dispose de quelque 14 000 hommes et il va pouvoir, fort de cette puissance au sens propre, il va pouvoir, par l'intermédiaire de l'agent consulaire suisse à Limoges, entamer des pourparlers avec le commandant allemand de la place, le général Gleiniger. Celui-ci sera enlevé par des SS jusqu'au boutiste. D'ailleurs, il sera acculé au suicide. C'est arrivé à un certain nombre d'officiers supérieurs et généraux de la Wehrmacht. En tout cas, Guingouin a obtenu la capitulation et le 22 août donc, Limoges est aux mains de la résistance et elle est sans effusion de sang. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et Georges Guingouin va s'installer. Alors évidemment, il est le héros un peu. On parlait de Far West tout à l'heure. Hein, c'est le héros de cette histoire. Il est devenu le potentat local, le libérateur, que dis-je, le sauveur. Il faut imaginer le climat de griserie qui s'accompagne, duquel tout cela s'accompagne, bien entendu. Il y a des moments, on a l'impression là vraiment que le grand soir est arrivé. Et le voilà, Guingouin, dans les salons de la préfecture face à Pierre Boursicot, qui est le commissaire de la République envoyé par le général de Gaulle, qu'il traite clairement dans un premier temps en subalterne. Qu'on se le dise, le vrai patron à Limoges et dans l'immense territoire qui maintenant dépend de Limoges, c'est lui. Avec la mise en place, dès ce 22 août, on n'attend pas du tout, de commissions judiciaires qui vont juger les crimes commis pendant l'occupation, on peut parler d'une justice insurrectionnelle. Il y a d'ailleurs une sorte de cour martiale qui va rendre des jugements sans recours, exécutoires dans les 24 heures. Tout ça, évidemment, fera beaucoup de bruit plus tard, dans les années, non seulement dans les mois, mais dans les années qui suivront la libération, on y reviendra tout à l'heure. Il faut quand même savoir qu'en un mois, en ce mois d'août-septembre 44, 350 dossiers sont instruits, 78 vont donner lieu à des condamnations à mort, et certains se demandent à ce moment-là quelle pourrait bien être la limite des pouvoirs de Guingouin. Or, et ça c'est assez fort pour être bien clairement souligné, le 5 septembre de cette année 44, à midi sonnante, Guingouin va remettre tout ce qu'il y a de plus officiellement, solennellement, ses pouvoirs à Boursicot, commissaire de la République du gouvernement provisoire du général de Gaulle. Alors, pourquoi ? Que s'est-il passé ? Vous savez, c'est complexe ces histoires. Certes, il y a une petite compensation, c'est que le nouveau préfet que nomme le GPRF, le gouvernement provisoire, est communiste, c'est Jean Chintron. Quant à Guingouin, il va prendre la présidence du comité de libération. Mais pendant très longtemps, on a voulu voir un mystère dans cette sorte de renoncement des communistes, et pas seulement d'ailleurs à Limoges, dans tout le sud-ouest. C'était le cas de Martel à Bordeaux, de Ravanel à Toulouse, etc. Comment expliquer que eux qui tenaient complètement le sud-ouest aient ainsi cédé d'une certaine manière devant les autorités du gouvernement provisoire? Toutes les hypothèses ont été émises. Certains disent que de Gaulle aurait en quelque sorte échangé la sécession d'un sud-ouest rouge avec le retour de Maurice Thorez d'Union soviétique et la signature du pacte franco-soviétique. D'autres ont affirmé que Staline lui-même n'avait pas d'intérêt à voir éclore en France un communisme national à la Tito en Yougoslavie. C'est en tout cas ce qu'on disait ça dans les années 50, 60, etc. Et puis l'historiographie a évolué comme sur bien des sujets. Et aujourd'hui, on essaie simplement de chercher les raisons de la chute de cette, comment pourrait-on dire, de cette république embryonnaire du Sud-Ouest, d'en chercher les raisons dans des causes totalement internes au Parti communiste français lui-même. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la résistance et les maquis du Limousin. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au maquis du Limousin et au résistant Georges Guingouin. Et oui, et vous avez bien compris qu'avec Guingouin, les communistes l'avaient emporté, si je puis dire. Or, vous avez compris aussi que quelques semaines après cette sorte d'insurrection, en tout cas certains historiens l'ont ainsi défini, ce sont bien les gaullistes qui ont repris le contrôle de la région. Alors, quant à Georges Guingouin lui-même, qu'est-il devenu par la suite? Eh bien, demandons la réponse au dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault. Maire de Limoges en 1945, nous dit Gilles Perrault, il fut battu aux élections municipales de 47. Le parti qui ne lui avait pas pardonné sa désobéissance, vous voyez, au moment où on lui avait ordonné d'aller prendre Limoges par la force, l'exclut en 52 dans la même fournée qu'André Marty et Charles Tillon, ancien chef des FTP, le sinistre Léon Mauvais montant dans les trois cas les dossiers trucs de l'accusation. Alors ça, on va y revenir évidemment dans un instant. Et en septembre 52, dans une réunion publique, Jacques Duclos va accuser Georges Guingouin, dont l'honnêteté n'avait jamais été mise en cause, fût-ce par ses pires ennemis, d'avoir détourné à son profit un trésor de guerre. C'était signifier que ses anciens camarades l'abandonnaient aux chiens et que la Lali pouvait commencer. Et il va y avoir contre Guingouin des violences assez extraordinaires qui prennent place à la veille de Noël 1953. Dans une cellule de la prison de Brive, nous dit Gilles Perrault, le 21 février 1954, il a été sauvagement agressé par les matons et matraqué au point de sombrer dans le coma. Trois médecins experts concluent que son état inspirait de réelles inquiétudes pour sa vie. Donc il y en a évidemment qui vont se venger. Qui était-il, ceux qui se vengent? Bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité dans quelques instants. Il fallut attendre, nous dit-il, le 13 novembre 1959 pour qu'un magistrat lyonnais conclue l'affaire par un non-lieu en déclarant, je cite, « ne pas comprendre en son âme et conscience qu'on ait envisagé des poursuites contre Georges Guingouin ». Fin de citation. Les siens, conclut Gilles Perrault, lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort, survenue le 27 octobre 2005 à Troyes dans l'Aube, département d'origine de sa femme Henriette, où il s'était installé après son exclusion du parti et où il avait repris son métier d'instituteur. Il ne l'appelait ni le Tito Limousin, ni le premier maquisard de France, ni le préfet du maquis, simplement Loup Grand parce qu'il était de haute taille. Père Loup Grand est le nom du bulletin aujourd'hui rédigé par une nouvelle génération qui perpétue le souvenir de l'épopée limousine. Bonjour Gilles Perrault, merci beaucoup d'être venu, en dépit des difficultés de transport jusqu'à nous, pour parler non seulement de Georges Guingouin, sur le cas duquel nous allons revenir dans un instant, mais de la résistance dans toutes ses complexités et dans toute l'héroïque dimension qui lui appartient. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la résistance avec votre invité Gilles Perrault, écrivain, auteur du dictionnaire amoureux de la résistance aux éditions Plon Fayard. Alors Gilles Perrault, je suis passé assez vite sur la fin de la carrière, enfin plutôt on pourrait même dire sur la carrière politique après la guerre de Georges Guingouin. On lui a fait beaucoup de difficultés. Ses vieux ennemis se sont réveillés plusieurs années après la libération en vérité. Oui, alors que la guerre froide éclatait et que évidemment les souvenirs de l'épopée limousine s'éloignaient et s'effaçaient, et il y a eu une volonté de régler des comptes. Vous avez eu raison de dire qu'il avait le sens de l'humour. Il a beaucoup ridiculisé les pétainistes, les vichistes, les miliciens, en plus de leur tailler des croupières. Il a donc suscité des haines absolument féroces. Et il y a eu la tentative, disons les choses telles qu'elles sont, de lui faire la peau. Pas seulement politiquement, mais physiquement. Là, on est au début des années 50. On est au début des années 50. La guerre froide a commencé en 1947. Bon, donc là, tout ce qu'a fait Guingouin n'est plus mis à son actif, mais à son passif. Et donc, ses anciens adversaires, y compris les anciens élus, les notables socialistes de Limoges, qui avaient plutôt versé dans la collaboration, évidemment, ont voulu non seulement liquider Guingouin, mais mettre une tâche sur tout ce qui avait été accompli par lui. Voilà. Quand vous dites tout ce qui avait été accompli, c'était quasiment la naissance d'un État dans l'État, en tout cas d'un État insurrectionnel au milieu de l'année 44. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. J'ai cité Ravanel, il faudrait parler de Martel qui a joué un rôle essentiel dans la région bordelaise, etc. Tous ces maquis communistes imaginent-ils rendre les clés, si je puis dire, au général de Gaulle aussi vite et aussi facilement ? Oui, là ça a été un vaste débat, vous savez, qui a duré des décennies. Le Parti communiste a-t-il envisagé de prendre le pouvoir ? C'est ça la question, oui. Oui. Alors, elle est réglée. Bien sûr que non. Il y avait chez les dirigeants communistes des gens intelligents et qui se rendaient bien compte qu'il y avait eu Yalta, partage de l'Europe, la France. Ils ne faisaient pas partie, ils n'étaient pas du bon côté, en voilà, quelque sorte. Voilà. Et qu'il n'était pas question de prendre le pouvoir par la force dans une France où se trouvaient à l'époque 2 millions de soldats américains et oui, britanniques, qui n'auraient pas, il est évident que ni Londres, ni Washington n'auraient toléré un pouvoir communiste en France, alors qu'ils avaient sur place les moyens de l'éviter, d'écraser toute tentative insurrectionnelle. Donc à partir de là, la stratégie, c'était plutôt de monnayer cette puissance et toutes ces positions, disons, contre un certain nombre d'avantages dans le GPRF, dans l'organisation territoriale, etc. On voit pas très bien quels avantages ils ont obtenus. Hein. Ils ont dissous les milices qu'on appelait les milices patriotiques, ils ont rendu les armes. Il n'y a pas eu de problème, finalement. Il n'y a pas eu de problème. Et vous l'avez dit, Guingouin lui-même, qui est le chef de maquis le plus charismatique, et qui dispose d'un potentiel combattant énorme, car les alliés qui ne voyaient que l'efficacité l'ont armé, alors qu'il y avait forte réticence pour armer des maquis communistes. Mais Guingouin, il avait ce qu'il voulait. Parce que ça payait. Ça marchait, bon, oui. Voilà. Je ne crois pas du tout que Guingouin reconnaît l'autorité du commissaire de la République. Voilà, et il rentre dans le rang. Il se fait élire maire, il est élu maire, évidemment libérateur de Limoges, compagnon de la Libération, oui, ne l'oublions voilà. pas. Bon, et donc il rentre dans le rang quand il est battu en 47, et puis voilà. Mais je ne crois pas qu'on... Est-ce que la population française elle-même aurait admis une tentative insurrectionnelle qui aurait déclenché évidemment une guerre civile ? Tout le monde n'aurait pas succédant accès à toutes ces années d'occupation. Voilà, non, voilà. Ça paraissait peu probable. C'était, voilà. Alors, Gilles Perrault, revenons sur les origines de, non pas de ceux, mais de ces mouvements. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, et en même temps de très difficile, évidemment, à appréhender dès qu'il est question de la résistance, c'est qu'on est en face de mouvements qui, au départ, sont des mouvements spontanés, qui donc naissent et closent ici et là, chacun avec les moyens du bord et chacun coupé de l'autre, au départ. Bien sûr, et sans que le général de Gaulle et Londres aient été au courant, même de la naissance de ces mouvements. Donc les chefs de mouvement comme Henri Freinet, d'Astier de la Vigerie, Jean-Pierre Lévy, Libération, Franc-Tireur, Combat, bien sûr, peuvent dire, mais on n'a pas attendu les instructions de Londres pour créer un mouvement, donc... Il y avait évidemment toutes les conditions réunies pour que tout ça ne marche pas, pour que il y ait des scissions, pour qu'il y ait des oppositions féroces. Ça a été le grand travail de Jean Moulin, qu'on a surnommé l'unificateur. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la deuxième problématique, on a parlé tout à l'heure un peu de la problématique insurrectionnelle, et vous lui avez, si je puis dire, réglé son compte. La deuxième grande problématique qui se pose concernant la résistance, c'est celle de l'unification. À partir de tous ces mouvements disparates, très différents les uns des autres, il faut arriver à créer un grand mouvement, d'une certaine manière, et on y arrivera quasiment sur la fin. Avec la création du CNR. Exactement. Conseil National de la Résistance. Alors, au départ, qui sont ces figures? Vous avez cité Emmanuel d'Astier de la Vigerie, bien entendu, Henri Freinet. Qui sont-ils, ces gens-là? Henri Freinet, par exemple. Henri Freinet, alors on ne peut pas imaginer de personnages aussi différents C'est ça qui est passionnant, c'est que ces gens qui se portent volontaires, mais sont totalement différents des uns des autres, opposés socialement, humainement. Bon, Henri Freinet, c'est un officier de tradition. Il vient de la droite, son père est officier, son frère est officier, il est officier au début, il est plutôt pétiniste. Bon, et bien il a à côté de lui une femme extraordinaire, Bertie Albrecht, qui va le prendre par la main et qui va le mener sur des sentiers peu fréquentés par les officiers de tradition et il va créer le plus grand mouvement de résistance de zone sud. Donc un type, voilà, comme ça, très, très menton en avant, très volontaire, bon, classique. D'Astier de la Vigerie, c'est le contraire. Ah, c'est nettement moins classique. Là. C'est un raté. En 1940, c'est un opiumane. Il commence par se désintoxiquer avant d'entrer en résistance, ce qui est une bonne idée. Bon, c'est un raté. Il le dira lui-même, si j'ose le mot, c'est qu'il l'a dit lui-même. Nous étions des ratés. Bon, mais il va créer un mouvement très important, le deuxième après combat, Libération. Alors Jean-Pierre Lévy est plus classique peut-être un peu, oui. Plus classique, oui. Oui. Il est fonctionnaire, il deviendra haut fonctionnaire. Et puis il a 4 années de résistance. Ce sont tous de grands tempéraments, parce qu'on peut pas se lancer dans une aventure aussi incroyable et dangereuse, et c'est même plus que dangereuse à ce niveau-là, sans avoir un très fort caractère. Mais ce sont des gens qui disent non, là, vraiment. Hein. Alors, on peut dire de façon élégante, et vous avez raison de le faire, des forts caractères. On peut dire aussi des caractères de cochons, n'est-ce pas? Des hommes à la nuque raide, hommes et femmes d'ailleurs. Bon, forcément, ce sont des rebelles dans l'âme. S'ils ont dit non à Pétain, non à la collaboration, c'est que ils ne sont pas des moutons. Voilà, ce sont des moutons noirs. Et entre eux, les relations vont être... J'ai une entrée qui s'appelle engueulade. Ah oui, magnifique. Ils ont des engueulades terribles. Oui, tout à fait. Ils se bouffent le nez. Ils sont... Voilà. Et le miracle de la résistance. Combien de fois ce grand résistant... qu'était Raymond Aubrac, me l'a-t-il répété, le miracle, il croyait pas au miracle. Le miracle, c'est que l'union est tenue jusqu'au c'est bout. Ça, ça il y avait tous les ingrédients d'une guerre civile. Non, oui. Vous aviez des gens qui venaient de la cagoule, des royalistes. C'est-à-dire que leurs origines sont différentes socialement et politiquement. Alors déjà, politiquement, effectivement, bah ça oui. va, on va dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Absolument. Il y a de tout. De tout. Et chacun, évidemment, étant parmi les personnalités les plus affirmées de chaque tendance. Bien sûr. Vous écrivez, ils sont à cran, tous, surtout les chefs. Ça barde entre eux, ambiance électrique d'âme des gens incommodes. Les commodes sont à Vichy ou nulle part. La résistance, un troupeau de moutons noirs. Ce sont les seuls à oser prendre le loup à la gorge. C'est vrai, il faut... Ah bah oui. On n'imagine pas ce que c'est. Au début, quand ils se lancent, ça commence très tôt, hein, tout ces mouvements. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la résistance des derniers temps, à partir de l'été 43, mais ça commence beaucoup plus tôt, bien entendu. Combat, ça commence dès 1940. Évidemment, évidemment. Alors, pas de cohérence politique. Au sein même d'un même mouvement, on peut avoir des gens qui sont de tendance nettement opposées, hein, ça c'est certain. Et à l'OCM, qui est le grand mouvement de zone nord, organisation civile et militaire, l'état-major est composé de grands bourgeois. Il y a des exceptions, toujours, mais des grands bourgeois. Mais dans le Nord, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, vous avez des tas de cheminots, des tas de mineurs, enseignants, qui sont à l'OCM. Il y a aussi ce brassage social, ça c'est formidable. Ouais. Avec aussi des gens qui peuvent être des hommes, mais aussi des femmes. Hein. Il faut jamais oublier ce rôle essentiel des femmes dans la résistance, ou leur consacrer d'ailleurs une belle place, c'est fondamental. Bah, écoutez, c'est la place qu'elles se sont gagnées par leur action, par leur courage et leur sacrifice. Bien sûr, ça a été trop longtemps passé sous silence. Hein. Et puis, il y a aussi des jeunes. Ça, bien entendu, on a toujours encore une fois l'image de ces jeunes réfractaires au STO qui donc vont rejoindre les maquis, mais aussi des gens âgés, voire très âgés. Il y a de tout aussi dans la résistance. Oui, ça, c'est assez sûr. Extraordinaire. Oui. Donc, en fait, on est en face d'un mouvement hétérogène, totalement éclaté, qui avait tout pour tourner, comme vous le dites, à la pire des guerres civiles et qui va peu à peu s'unifier dans un but, car tout est là. Le but, on y vient dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. sur Europe 1 un extrait de la bande originale du film L'Armée des Ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville en 1969. On a l'impression d'être sur le plateau des dossiers de l'écran. Hein, c'était le générique de l'émission. Alors, Gilles Perrault, ce qu'il faut dire, vous êtes l'auteur de ce dictionnaire amoureux de la résistance, qui est un dictionnaire vraiment amoureux. C'est-à-dire que vous êtes totalement investi, selon la tradition, dans cette belle collection de la Maison Plomb, ici en coédition avec Fayard d'ailleurs. Vous avez travaillé de façon personnelle et subjective, si je puis dire. En ce qui vous concerne, vous étiez un tout jeune adolescent au moment de la libération. J'avais 13 ans en 1944, oui, j'étais donc un jeune garçon. On vieillissait assez vite à l'époque, hein, forcément. Oui. C'était des enfants peu protégés. Les événements accéléraient les choses. Voilà, voilà. Mais 13 ans, oui, bien sûr, oui. Et vos parents étaient eux-mêmes résistants. Ils étaient résistants, voilà. C'est donc, si vous voulez, c'est pourquoi l'écriture de ce livre m'a passionné et enchanté moi-même. J'espère que ça plaira au lecteur, mais j'avais l'impression de retourner aux sources, au début de ma vie et de retrouver ces sensations très fortes. Voilà, donc de terminer un petit peu comme ça avait commencé, avec ce qui avait débuté. Oui. Et c'est, on sent chez vous qu'au-delà évidemment de tout ce que vous nous apprenez, parce que vous reprenez l'histoire des différents mouvements, des personnalités, etc., il y a un lien plus affectif peut-être avec l'esprit de la résistance, d'une certaine manière. Oh ben mon rapport à la résistance est totalement affectif, ah, c'est ça, bien sûr, oui. On pourrait me démontrer que les résistants n'ont servi à rien, même qu'ils ont été nuisibles. Oh, Churchill voilà. A dit le contraire, et il n'est pas le seul. Bien sûr, Eisenhower aussi. Non, mais là je dois dire, oui, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis convaincu que la résistance, c'est le chapitre le plus romanesque de notre roman national. Il n'y a jamais eu ça avant. J'espère qu'il n'y aura pas ça, que ça ne sera pas nécessaire à l'avenir. Mais là, c'est vraiment un chapitre extraordinaire, avec des gens extraordinaires, des événements extraordinaires. Et cette clandestinité permanente, cette espèce de peur permanente et en même temps d'exaltation, parce que on se lance constamment dans de très belles histoires. Quelles étaient, il faut peut-être expliquer ça, parce que j'ai dit tout à l'heure que les maquis ne représentaient pas à eux seuls l'ensemble de la résistance, loin de là. Quels étaient les types d'actions que pouvaient mener les résistants d'abord en ville, à la campagne, etc. Déjà, c'était pas la même chose, forcément. Non, bien sûr. Ni en voilà. Zone libre, ni en zone occupée. C'est vrai. Certes, à partir de novembre 42, la question se pose plus. La question se pose plus, tout est occupé. Bon. Il y a le renseignement, qui est un mode d'action totalement différent. On vient de célébrer le 70e anniversaire du débarquement. J'habite un village du Cotentin dont la plage s'appelle depuis le 6 juin 44 Utah Beach. Bon. Et là, il n'y avait pas de maquis en Normandie. Très peu, enfin, des petits maquis. Parce qu'il n'y a pas de forêt profonde, il n'y a pas de montagne. Et puis, il y avait surtout une occupation allemande si dense. Dans mon village de Sainte-Marie-du-Mont, chaque maison avait 1, 2, 3 soldats allemands. Mais le renseignement a été essentiel. Alors c'est un type d'action peu spectaculaire, mais fondamental. Mais fondamental. Eisenhower l'a dit, Montgomery l'a écrit aussi. C'était un peu Bradley. Les yeux des alliés sur mais place. Absolument. En fait, ils ont tous dit, les chefs alliés, que jamais une armée n'avait attaqué en disposant d'autant de renseignements sur le dispositif ennemi, les effectifs, etc. Chacun mettant évidemment à profit sa position sociale ou professionnelle et les opportunités qui sont les siennes. Voilà. Donc ça peut aller, vous parliez tout à l'heure effectivement des cheminots ou des mineurs. Absolument. Du Nord, et ça peut aller jusqu'aux grands industriels qui déjeunent avec de hauts responsables allemands. Et donc chacun à sa mesure apporte ce qu'il peut. En fait. Voilà, et souvent les gens qui fournissaient ces renseignements avaient l'impression d'être inutiles. C'était un renseignement ridicule. Le major de telle batterie a changé et le nouveau s'appelle. Oui. Bon, eux ne voyaient peut-être pas l'utilité, mais quand on recolle tous les renseignements et qu'on a la vision synoptique depuis Londres ou depuis les états-majors alliés, d'un seul coup, ça peut devenir capital. En fait, oui, hein. La mosaïque devient une fresque. Et voilà, exactement. Et la fresque, c'est la Wehrmacht. Quel a été le rôle de la résistance dans la protection des Juifs? Il faut parler de cet aspect spécifique. Il y a eu des mouvements qui se sont consacrés à ça, des mouvements juif, évidemment, un avocat qui nous a quittés, qui s'appelait Charles Lederman, a joué un rôle considérable pour la protection des juifs, l'évacuation et des enfants et leur trouver des caches, leur trouver des identités d'emprunt, bien sûr. Voilà, il y a eu un... Écoutez, si la France est le pays où le pourcentage de juifs survivants est le plus important d'Europe, c'est grâce à ça, à cette action de la résistance qui, plus que n'importe où ailleurs, a protégé les juifs. Il y avait bien deux types d'actions. Alors bon, on peut entrer dans tout le détail, comme vous dites, renseignement, sabotage, etc. Mais il y a ce qui concerne la réaction, la rébellion contre l'autorité du régime de Vichy et de l'occupant allemand, c'est-à-dire tout ce qui permet de semer le trouble, la pagaille, la zizanie chez l'occupant. Et puis, il y a la préparation de la libération elle-même, à mesure qu'on avance dans le temps. Bien entendu, l'une finissant peu à peu par se substituer à l'autre. Le travail d'empêcheur de tourner rond, si je puis dire, a été quand même extraordinaire. On a tendance parfois à l'oublier un petit peu, celui-là. C'est vrai, c'est bien vrai. Mais c'était un petit peu les deux faces de la même médaille. Oui, d'ailleurs. Voilà, s'en prendre à Vichy, à Pétain, qui marchait dans la collaboration, bien sûr. Et au système mis en place par l'occupant, c'était préparer les conditions de la libération. Hein. Donc tout ça, c'était oui, les deux faces d'une même action. Oui. Cette résistance, elle jouait aussi un rôle moral absolument essentiel, c'est-à-dire qu'elle est, elle permet à de nombreux Français, et elle va permettre alors dans les années d'après-guerre d'une manière très spectaculaire, peut-être un peu trop d'ailleurs, de conserver en quelque sorte une bonne conscience, c'est-à-dire que c'est l'honneur du pays qui réside là dans ces héros de l'ombre. C'est une évidence. Alors, on reproche au général de Gaulle, en particulier. Oui, c'est à ça que je faisais allusion, oui. Oui, d'avoir mythifié l'action de la France libre et de la résistance. Et bon, notre présence à la signature de la reddition sans condition de l'Allemagne, c'est vrai que ça n'était pas acquis en 1940. Mais le fait est... C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, bon. D'avoir une zone d'occupation en Allemagne et un siège permanent au Conseil de sécurité, c'était pas acquis d'avance. Bon, mais oui, je pense que vous avez raison de dire le mot honneur. Si vous voulez, pour un garçon comme moi, et je me prends quand même, mais pour toute la jeunesse de France, qui sortait de ces 4 années où les raisons d'être humilié ne manquaient pas, de se sentir déshonoré, de se sentir sali par ce spectacle de la collaboration que nous avions sous les yeux, mais la résistance, la France libre, ça donnait des raisons de vivre, bien sûr, et de redresser la tête, et de se dire qu'il y avait un avenir possible. Bien sûr. Le dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault, c'est une lecture pour le moins recommandée, vous l'aurez compris, aux éditions Plomb et Fayard. Merci Gilles Perrault. Merci. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Stevens sur les origines du nom de famille Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stevens, qui nous l'a envoyé via la page Facebook oui. De l'émission. Alors, il paraît que Stevens s'appelle Guillaume, en fait. Voilà. Stevens, c'est son prénom. Pardon, Guillaume. C'est voilà. Son nom de famille. C'est ton nom de famille, Stevens, je veux dire. Voilà. Voilà. Et on l'embrasse. En tout cas, Guillaume Stevens, du coup, aimerait en savoir plus sur l'origine du nom de famille Martin. Alors, il y a 236 000 personnes en France qui portent ce nom de famille. C'est la deuxième position après le nom de Bernard et avant le nom Dubois. Entre parenthèses, vous savez que Durand et Dupont, qu'on considère toujours comme les noms les plus répandus en France, ne viennent respectivement qu'en 8e et 26e position. Alors, les Martins sont présents à peu près partout, et pour cause. Selon Marianne Mulon, archiviste paléographe, ce nom de la famille Martin viendrait principalement de Saint-Martin de Tours. Vous savez, le très célèbre Saint-Martin. Et tous les noms, alors Marti, Martini, Martinez, etc., tout ça sont des dérivés de Martin, de Martinus, hein, de Saint-Martin, qui a été ce légionnaire romain. Vous savez, il était né dans l'actuel Hongrie en 316, il était dans une famille militaire, on le retrouve en garnison en 337 à Amiens, et là, c'est la célèbre scène, il va partager son manteau. Vous savez que les légionnaires romains étaient obligés d'acheter la moitié de leur manteau. Alors, il va donner la moitié qui lui appartient, ce qui fait qu'il coupe son manteau en deux pour redonner l'autre moitié à un pauvre. Il va s'installer comme ermite près de Poitiers, à Ligugé, où il fonde le premier monastère d'Occident. Et puis ensuite, il devient l'évêque de Tours. C'est comme ça qu'on le connaît, évidemment. En 371, il fonde l'abbaye de Marmoutier, les premières églises de Gaule. Il va comme ça sillonner toute une partie de l'Europe. Il reviendra mourir dans sa région, si je puis dire, Saint-Martin. Il meurt en 397 dans le village, tellement joli village aujourd'hui, de Cande. Sa fête, le 11 novembre, donne lieu à toutes sortes de manifestations populaires. Et dites-vous que 200 villes et communes portent le nom de Saint-Martin en France. 3700 monuments lui sont dédiés, plus de 500 en Espagne, en Allemagne, 700 en Italie, etc., etc. 12 cathédrales d'Europe portent le nom de Saint-Martin. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Martins qui s'appellent Martin. Nous pensons bien sûr à la nôtre de Martin, à Lorena Martin, voilà, évidemment, exactement. Que nous embrassons. Votre collaboratrice. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous parlons aujourd'hui de notre deuxième cerveau, c'est le ventre. Il est non seulement fragile mais surtout hypersensible. Boule au ventre, crampes ou nœuds d'estomac, problèmes de transit. Quelles sont les origines de vos maux? Comment les soulager? Les réponses des experts, vos questions comme chaque jour au 3921 ou sur europa.fr. Merci beaucoup Elena. Eh bien, nous nous retrouvons demain, Céline. Oui, à demain, Franck.